Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore les fondations, oui au sens propre, d'un élément clé de nos accès, le seuil en béton pour un portail coulissant. La longrine, comme on l'appelle aussi. Exactement, la longrine. C'est la pièce maîtresse, invisible, mais qui assure que tout fonctionne bien, et surtout pour longtemps. Alors pour cette exploration, on s'appuie sur un guide pratique, ça vient du site Beaudehors apparemment, et ça détaille bien toutes les étapes de construction. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essentiel, les dimensions cruciales, comprendre le processus de A à Z. Et pas seulement le comment, mais surtout le pourquoi de chaque étape. Prêt à creuser ? C'est un sujet fondamental, vraiment. On pourrait croire que c'est juste une simple bande de béton, mais en fait, non. Toute la performance, la durée de vie du portail, eh ben, ça repose sur la qualité de cette fondation. Investir du temps, de la rigueur à ce moment-là, c'est s'éviter pas mal de soucis et de coûts plus tard. Justement, pourquoi on ne peut pas juste poser le rail, disons, sur un sol bien stabilisé ? Pourquoi ce seuil est si indispensable ? Le guide le dit très clairement. C'est la condition sine qua non pour la bonne tenue du portail dans le temps. Sans cette base solide, stable, parfaitement de niveau, le sol tout le rail va forcément bouger, même un tout petit peu. Ah, d'accord. Et le résultat ? Le portail force, les galets s'usent super vite, le rail peut même se déformer, et pire encore, un mini-affaissement et hop, le portail est bloqué. Ce seuil, en fait, c'est l'assurance d'avoir un coulissement fluide, sans effort, pendant des années et des années. Ok, message reçu. Pas de seuil solide, pas de portail fiable. Alors, entrons dans le vif du sujet, les dimensions. C'est là que ça devient précis, n'est-ce pas ? Commençons par la longueur. Ce n'est pas juste la largeur du passage, j'imagine. Non, loin de là. Faut penser à toute la course du portail, en fait. La longueur, elle doit couvrir l'espace de passage, bien sûr, quand il est fermé, mais aussi tout l'espace où il va se ranger quand il est ouvert. C'est la zone de refoulement. D'accord. Le calcul type qui est donné, c'est on additionne la largeur de passage et la largeur de refoulement, souvent c'est la même chose, et puis on ajoute des petites marges et techniques. L'exemple du guide est très parlant, je trouve. Pour un passage de 4 mètres, il faut ces 4 mètres plus 4 mètres de refoulement, plus environ 42 cm pour la butée mécanique, celle qui arrête le portail en douceur, et une petite marge de sécu de 15 cm. Total, 8,57 m pour la longrine. Quand même ! Oui, ça peut paraître beaucoup, mais c'est ça qui garantit que le portail s'ouvre et se ferme complètement, sans aucune contrainte. Quasiment 9 mètres de béton pour un passage de 4 mètres. Ça montre bien qu'il faut mesurer l'espace dispo avant de commencer, hein ? Et pour la largeur de ce seuil, alors ? Alors, la largeur, c'est plus simple. Elle est dictée par les piliers qui encadrent le portail et puis par le rail. La règle simple proposée, c'est largeur des piliers plus 20 cm. Ok. Pourquoi 20 cm en plus ? Mais ces 20 cm, ils sont essentiels pour pouvoir fixer le rail bien au milieu, de façon stable. Si on prend des piliers classiques de 30 par 30 cm, hop, le seuil fera 50 cm de large. C'est assez pour avoir une bonne assise. Logique. Et maintenant, la dimension peut-être la plus critique, et celle qu'on voit le moins, la profondeur. Le guide insiste pas mal là-dessus, surtout à cause du gel. Pourquoi c'est si crucial ? Ah ça, c'est le nerf de la guerre pour la stabilité. Le béton, il doit absolument reposer sur un sol qui ne sera jamais, mais jamais, touché par le gel et le dégel. D'accord. Si la base gèle, elle gonfle, ça soulève le seuil, et c'est là que les ennuis commencent. Donc, il faut creuser jusqu'à ce qu'on appelle la zone hors gel. Et elle est où cette zone ? Eh bien, ça dépend. C'est pas la même profondeur partout. Ça dépend du climat, du type de sol aussi. En plaine, climat tempéré, le guide dit qu'il faut viser au moins 50 cm. Mais attention ! Oui. En montagne ou dans les régions où ça caille vraiment, le gel descend beaucoup plus profond. Et là, il faut creuser bien plus bas, parfois un mètre, voire plus. Il faut suivre les recommandations des normes techniques, comme le DTU 13.12. Le DTU, c'est quoi ça déjà ? Document technique unifié. C'est un peu la bible des règles de l'art dans le bâtiment en France, notamment pour les fondations. Et d'ailleurs, pour déterminer cette fameuse profondeur hors gel, la PHG, le guide donne une méthode qui se base sur l'altitude. En gros, si on est en dessous de 150 mètres d'altitude, on regarde une carte de zonage. Ça donne une profondeur de base, H0. Ok. Par exemple, en région parisienne, cette base, c'est à peu près 60 cm. Par contre, si on est au-dessus de 150 mètres, là, ça se complique un petit peu. Faut prendre la valeur de la carte, H, et ajouter une correction qui dépend de l'altitude réelle, A. Il y a une petite formule pour ça. Une formule, carrément ? Oui, mais l'idée clé, c'est simple. Plus on monte en altitude, plus il faut creuser profond. L'exemple pour Annecy, qui est à 447 mètres, aboutit à une profondeur nécessaire de presque 1 mètre 97 cm. Ah oui, quand même. Donc, ignorer ce calcul, c'est prendre un risque énorme de voir son seuil bouger dès les premiers hivers. C'est pas rien. Waouh ! Presque 1 mètre de profondeur par endroit. C'est un sacré boulot, mais on comprend bien que c'est la garantie absolue contre les mouvements dus au gel. Donc cette planification des dimensions, longueur, largeur et surtout cette profondeur bien calculée, c'est vraiment l'étape zéro, quoi. Celle qui conditionne tout le reste. Bon. Une fois qu'on a ces chiffres en tête, comment on passe à l'action sur le terrain ? Première étape physique, creuser la tranchée. Comment on s'y prend bien ? Avec méthode. D'abord, on délimite bien l'emplacement avec des piquets et un cordeau. Ça évite de creuser de travers, c'est bête mais important. Ouais. Puis, on sort les outils. Le guide mentionne la pelle ronde, classique, la houe, qui est assez pratique pour les tranchées, ou la pioche, si le sol est dur ou plein de cailloux. Et puis bon, pour les gros volumes, ou si on veut se simplifier la vie, il y a l'option mini-pelle en location. C'est clair que ça aide. Une fois qu'on a atteint la bonne profondeur, il y a deux choses super importantes. Vérifier que le fond est bien plat, bien de niveau, et surtout, le compacter. On utilise une dame manuelle, une dameuse, quoi, pour bien tasser le sol. Faut que la base soit stable, non compressible. C'est physique, ça, j'imagine ? Oui, un peu, mais c'est indispensable pour la suite. Et pour éviter que la terre se mélange au béton quand on coule, il y a des astuces ? Oui, le guide en donne deux. Soit on met un film polyane au fond et sur les bords, c'est une bâche plastique épaisse, ça fait une barrière propre. D'accord. Soit, méthode un peu plus pro, on coule une fine couche 3-4 cm de béton de propreté au fond. C'est un béton avec peu de ciment, il sèche vite et ça donne une surface de travail nickel, ça isole le vrai béton de la terre. Ok, tranchée creusée, fond préparé. Vient ensuite le coffrage. C'est toujours obligé, ces planches sur les côtés ? Strictement, non. Si les parois de la tranchée sont hyper stables, bien verticales. Mais bon, en pratique, le guide dit que c'est très courant et même fortement recommandé. Pourquoi ? Ben, le coffrage, souvent avec des planches de bois bien droites, ça permet de garantir des bords nets, bien verticaux, et surtout les bonnes dimensions. La largeur qu'on veut, nos 50 cm de l'exemple, tu vois ? Mm-hmm. Et pour que ça tienne, quand on verse le béton, il faut bien caler tout ça. On peut utiliser des tasseaux de bois coupés à la bonne largeur, cloués en travers en haut. Ou des cales entre les planches et la terre. Ou encore des piquets plantés de dehors qui poussent les planches. Mais le point crucial, vraiment critique ici, c'est de vérifier avec un niveau à bulle que le dessus des planches est parfaitement horizontal sur toute la longueur. C'est ce niveau-là qui va dicter la planéité finale du seuil. Faut pas se louper là-dessus. C'est vraiment une étape de prépa minutieuse, le coffrage détermine la forme finale. Une fois qu'il est en place, bien de niveau, on passe au squelette de la longrine, le ferraillage. Pourquoi c'est si important ? Alors, le béton, c'est super costaud, en compression, quand on l'écrase, mais beaucoup moins en traction, quand on l'étire. Et la longrine, vu sa longueur, elle va subir des forces qui vont essayer de la faire plier. Ah oui ? Le ferraillage, ces barres d'acier qu'on met dedans, ça compense cette faiblesse. Ça donne au béton sa résistance à la traction, à la flexion. Sans un bon ferraillage, la longrine pourrait fissurer, voire casser net. D'accord, c'est essentiel. Le guide suggère une solution assez pratique. Utiliser des armatures déjà toutes prêtes, les semelles filantes, par exemple le type SL35, avec plusieurs barres dans le sens de la longueur. C'est standard, ça simplifie pas mal la mise en place. Mais attention, il y a un détail super important, ne jamais poser ces aciers directement au fond, ni sur la terre, ni sur le béton de propreté. Ah bon, pourquoi ? Il faut les surélever de 4 ou 5 cm, pour que le béton puisse bien passer en dessous et enrober complètement l'acier. C'est cet enrobage qui protège l'acier de la rouille et qui assure la liaison parfaite entre les deux matériaux. On utilise des petites cales spéciales pour ça, souvent des trucs en plastique. D'accord, je vois. Faut que ce soit bien au milieu du béton, en quelque sorte. Exactement. Et là où les futurs piliers vont venir, il faut aussi penser à la continuité du ferraillage. Soit on met l'armature complète du pilier, le fer de poteau, avant de couler le seuil, soit on met des aciers d'attente. Des aciers d'attente ? Oui, ce sont des barres verticales qui dépassent du seuil, le guide parle de 60 cm environ, et sur lesquelles on viendra attacher le ferraillage du pilier plus tard. Dans les deux cas, ces aciers verticaux doivent être super bien ligaturés, attachés avec du fil de fer spécial et un outil, un tire-fil, à la semelle filante. Faut que ça forme une structure continue et solide. Et si on pense mettre un moteur sur ce portail un jour, même si c'est pas pour tout de suite ? Faut y penser dès maintenant. Ah mais carrément. C'est maintenant ou jamais que Randy. Si on envisage une motorisation, même lointaine, faut prévoir le passage des câbles électriques. La lime du moteur, les cellules de sécurité, le clignotant, tout ça. Et comment on fait ? Le plus simple, c'est d'intégrer des gaines TPC, tubes de protection des câbles, dans le coffrage avant de couler le béton. On les place aux bons endroits pour relier les piliers, l'emplacement futur du moteur, etc. Le guide mentionne des diamètres courants, 16, 25, 32 mm. Mais on peut aller jusqu'à 40, 50, voire 63 mm s'il y a beaucoup de câbles. Mettre ces gaines maintenant, ça coûte presque rien. Et ça évite de devoir faire des saignées ou des trous dans le béton plus tard, ce qui est beaucoup plus galère et risqué pour la structure. C'est juste de l'anticipation maligne, quoi. Juste. On a donc creusé, préparé le fond, coffré, placé le ferraillage surélevé, ligaturé les attentes des piliers et glissé les gaines TPC. L'étape tant attendue arrive enfin, le coulage du béton. Comment ça se passe ? C'est le grand moment, là où tout prend forme. Pour le béton lui-même, deux options. Soit on le fabrique sur place avec une bétonnière, mais là, il faut être super rigoureux sur les dosages. Soit, et c'est souvent plus simple et plus sûr pour un volume comme ça, on le fait livrer par un camion toupie. Au moins, on est sûr de la qualité. Ouais, c'est plus pro peut-être. En versant le béton dans le coffrage, il faut bien veiller à ce qu'il remplisse tout l'espace, sans laisser de poche d'air, et surtout qu'il enrobe parfaitement toutes les armatures. C'est là qu'une astuce de pro mentionnée dans le guide est super utile. L'aiguille vibrante. Une aiguille vibrante ? Oui, c'est un outil qu'on plonge dans le béton frais, ça vibre fort et ça chasse les bulles d'air qui sont piégées. Ça rend le béton beaucoup plus compact, plus homogène et donc plus résistant. C'est un vrai plus pour la qualité finale. D'accord. Le béton est en place, vibré. Maintenant, comment on obtient cette surface super lisse, super plane, celle qui va accueillir le rail et garantir que ça coulisse nickel ? C'est un travail de finition en plusieurs étapes. D'abord, on tire le béton. On prend une longue règle de maçon, on la fait glisser en appui sur les bords du coffrage pour enlever ce qui dépasse et mettre le béton bien au niveau. Ok. Ensuite, on utilise une taloche. C'est une sorte de platoir assez large. On fait des mouvements circulaires, ça fait remonter les éléments fins et l'eau, la laitance, et ça commence déjà à lisser la surface. Et pour la finition ultime, on passe la lisseuse. Souvent en inox, elle est plus fine, plus souple. C'est elle qui donne cet aspect vraiment plat, bien fermé. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Cette planéité est absolument cruciale. Le moindre défaut, la moindre bosse, ça se sentira direct sur le fonctionnement du portail. On peut même aller plus loin. Oui, on peut fignoler les angles avec un outil spécial, un fer à bord ou fer à marche, pour avoir des bords bien nets, un peu arrondis. C'est la touche finale. Un vrai travail de finition pour un résultat impeccable, on voit bien. Bon, le béton est coulé, vibré, lissé, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche, qu'il prenne. Quand et comment on enlève le coffrage ? Patience, patience ! Le guide dit d'attendre minimum 24 heures avant de décoffrer. Le béton aura commencé à durcir assez pour ne pas s'abîmer. Et pour enlever les planches ? On y va doucement. Marteau, un burin plat pour décoller sans forcer, peut-être un pied de biche, mais vraiment avec précaution pour ne pas ébrécher les bords du béton qui est encore un peu jeune. Une fois les planches parties, il reste un petit vide sur les côtés, là où elles étaient. Le guide dit simplement de remblayer cet espace avec de la terre, en tassant un peu au fur et à mesure. Et voilà, notre seuil en béton, notre longrine, est terminée. Prête à l'emploi. La structure en béton elle-même, oui. Elle est prête. Bon, évidemment, le chantier n'est pas fini. Hein. Le guide mentionne les étapes suivantes, laisser le béton sécher complètement et atteindre sa résistance maximale, idéalement plusieurs semaines avant de poser le portail dessus. Ah oui, plusieurs semaines quand même. Oui, pour qu'il soit vraiment à pleine résistance. Ensuite, construire les piliers s'il y en a besoin, fixer le rail de guidage sur le seuil bien sec et enfin poser et régler le portail coulissant. Mais la fondation, elle, elle est là, solide. Si on résume un peu toute cette exploration, ce qui ressort pour moi, c'est que la construction de ce seuil, c'est pas juste une formalité, quoi. C'est un vrai ouvrage technique. La clé, on dirait, c'est W. D'abord, une planification super rigoureuse des dimensions, surtout cette profondeur hors gel adaptée à l'endroit. Mmh. Et ensuite, une exécution vraiment méticuleuse de chaque étape. Le ferraillage bien placé, bien enrobé, les niveaux parfaits, cette finition de surface nickel. C'est cet investissement au début, en précision, qui paye sur le long terme, j'ai l'impression. La solidité de l'ensemble. du calcul de la PAGG, qui peut sembler un peu lourd, mais qui ancre vraiment l'ouvrage dans la durée, à la bonne ligature des aciers, qui assure l'intégrité, jusqu'à cette surface finale parfaitement plane qui conditionne le bon fonctionnement au quotidien. Si on prend un peu de recul, on réalise qu'une fondation réussie, même si après on ne la voit plus, c'est la garantie silencieuse de la valeur et de la fonctionnalité de l'installation pour des dizaines d'années. C'est une belle image, ça. L'invisible qui soutient le visible. Tout à fait. Et tu vois, pour prolonger un peu la réflexion, il y a une question qui vient directement de cette importance qu'on donne au climat via le calcul de la profondeur hors gel. Oui? Le guide, il se base sur des normes, des données climatiques actuelles ou, disons, récentes. Mais avec les changements climatiques qu'on observe, qui modifient les températures moyennes, potentiellement l'intensité, la profondeur du gel dans certaines régions, comment ces normes de construction devront évoluer? Ah, bonne question. Faudra-t-il les réviser plus souvent, les adapter de manière encore plus fine, région par région? C'est un défi super intéressant pour l'ingénierie, pour la normalisation dans le bâtiment dans les années qui viennent, tu ne crois pas? Excellente question prospective, en effet. Comment nos méthodes de construction vont devoir s'adapter à un climat qui bouge? Voilà qui nous donne matière à réfléchir et qui conclut notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.